Selon l'homepage d'Internet, le Front du Salut National, le porte-parole du comité central du Front démocratique national anti-impérialiste, a publié le 26 février une communication titrée « Des rassemblements opposés à l'opinion publique ne feront qu'accélérer la ruine de la bande de Bakounet ». À l'approche du jour du jugement pour la destitution de Bakounet, la population porte plus haut la bougie de la justice partout. Seule une poignée de conservateurs d'extrême droite organise des rassemblements contre les masses en lutte malgré le grand froid et le vent de neige. Les rassemblements à la bougie sont une lutte juste pour chasser la bande de Bakounet opposée à l'opinion publique et à la nation et pour créer un monde nouveau. Les bougies allumées partout en Corée du Sud sont l'expression de l'indignation des masses humiliées à l'extrême au cours du mandat de Lee Myung-bak et de celui de Bakounet et l'expression de la volonté de mettre fin à la politique vicieuse et à l'époque ténébreuse de la répression et de mener une vie digne. Les rassemblements tenus par la bande des conservateurs ne sont qu'un emportement désespéré pour sauver Bakounet et son pouvoir corrompu. Les formations conservatrices manipulées par la Maison Bleue paient chaque jour de 20 000 à 60 000 won à ceux qui participent à leur rassemblement contre la destitution et 150 000 won aux femmes présentes avec les voitures à enfants. La population a condamné à la destitution de Bakounet qui a commis des crimes inexpiables devant la nation. Personne ne pourra rien faire contre cet ordre de l'histoire.